cours numéro 10. قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الفصل السابع في حكمة النكاح. On est toujours dans la lecture de cette risala, Al-Zawaj, de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et après avoir cité un chapitre, le sixième, sur la polygamie, rahmatullah alayhi, le septième chapitre, il a cité fi hikmat al-nikah. Il y a plusieurs hikam, des sagesses. Voilà, chacun Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Tout ce qui nous a ordonné, que ce soit obligatoire ou recommandé, c'est fondé sur le hikmat. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a légiféré pour al-mu'min al-zawaj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié. Fankihu ma taba lakum min al-nisa. Amru min Allah. Hada al-amr, c'est un hukm shar'i. Et mariez-vous, que ce soit avec deux, trois, quatre ou une. Kama taqaddam. La shakana, il y a des hikam. Il y a beaucoup de bienfaits pour al-abd. Dans ce chapitre, Cheikh Ibn Uthaymeen va citer certains de ces bienfaits. Et certaines sagesses, pourquoi c'est légiféré à des zawal. قال قبل أن نبدأ الكلام قبل أن نبدأ الكلام في خصوص تلك المسألة يجب علينا أن نعلم علما يقينا بأن الأحكام الشرعية كلها حكم وكلها في موضعها. وهذا c'est important et c'est ce qu'on vient de citer. ما من عبادة هي حكمة. Même un amr, il est fondé sur le hikmah. Même un nahi, il est fondé sur le hikmah. Allah, s'il nous a autorisé ou ordonné de faire telle chose, sache qu'il y a beaucoup de hikmah. S'il nous a interdit de faire telle chose, il y a une hikmah, il y a une sagesse كذلك. قال وليس فيها شيء من العبث أو السفه ذلك لأنها من لدن حكيم خبير. L'importance de connaître les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme dans le dars précédent. Celui qui sait et qui a la conviction en Allah, c'est le Hakim. Et le nom Hakim, il renferme sifatul hikmah. Et en Allah, c'est le Khabir. Et il sait tout. Les choses apparentes, les choses cachées. Al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala, même une shay, c'est fondé sur le hikmah. Tous les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam et tous les interdits de Allah subhanahu wa ta'ala ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils sont fondés sur le hikmah. Il n'y a pas de abath. Al-abad, c'est quelque chose, il n'y a aucune utilité. Ou al-safa' yadam billah. Abadan. Ceux qui connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, yat'anoun fi rabbil alamin min hadha al-bab. Mathalan, le chapitre précédent sur la polygamie. Al-ba'd, ils pensent que c'est mauvais, qu'il n'y a aucune fa'ida, fa yat'anoun. Et ça, ils disent que c'est de la barbarie, c'est pas juste pour la femme, c'est de l'inégalité ila akhri. Limadha li annahum, c'est des juhal. Et بعضهم c'est des كفر عيدا بالله فيطعنون في الله سبحانه وتعالى. أما المؤمن لا يسيك الشك. Ordre ou interdit c'est fondé sur الحكمة. قال ولكن هل الحكم كلها معلومة للخلق؟ Après avoir démontré que l'importance de savoir que الدين il est fondé sur الحكمة, que ce soit les ordres ou les interdits, est-ce que on connaît toutes ces hikam? قال شيخ ابن عثيمين إن الآدم محدود في علمه وتفكيره وعقله فلا يمكن أن يعلم كل شيء ولا أن يلهم معرفة كل شيء. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Est-ce qu'on va savoir toutes les hikam là? Et ça c'est un verbe très très important. لماذا لأن البعض perdent leur temps sur des choses en citant les hikam et sans avoir de délit. Et probablement, on ne connaît pas la hikmah. Al-Ba'd, pendant des années, ils perdent leur temps, telle interdiction, et ils citent des hikam, ahyanan, il n'y a aucun délit. Et ahyanan, ils citent des khurafat, ahyanan, des choses, ça les éloigne de Al-Huda. Ils s'attachent à ces choses, si ils ne connaissent pas la hikmah, probablement, ils ne s'écartent pas de l'interdit. Hatta, ils font passer la raison, ou leur raison à eux, avant les textes. فمثلاً, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de manger la viande de porc. وعدهم يسيت comme حكم ولا شك أن الخنزير mange beaucoup de saleté وربما هذا يؤثر في لحمه, ça peut faire du mal au moumin, لا شك في هذا. Et on s'arrête là. Mais le بعض, ils citent des choses, des expériences, من الأطباء, les docteurs, ils ont découvert, et ils perdent leur temps via هذا, et ils délaissent l'essentiel وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah t'a créé pour l'adorer. Tu as compris le hikma, Amla? Maintenant, c'est quoi la hikma? Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire tawaf 7 tours. Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Pourquoi? On peut dire le impair c'est mieux. Tayyib, pourquoi pas 5? C'est-à-dire qu'on dit, mais c'est moins. On dit, on a rajouté 2, 9. Là, c'est pas comme ça de dire. 7, 6, 7. L'essentiel, c'est nata'abbadillah. Est-ce qu'il y a une hikma que Allah il a légiféré 7 tours de tawaf au lieu de 9 ou au lieu de 5? La chak. Est-ce qu'on la connaît? Allahu a'lam. Anna, je ne la connais pas. Kathir ou nas, ils ne la connaissent pas. Allah, il nous a ordonné, si on mange de la viande de chameau, de refaire l'eau. Ala sahih. Celui qui mange de la viande de chameau, ses ablutions sont annulées, il doit refaire. C'est quoi le hikma? Le bardi sid, des hikam, des hikam. Ala kulishay, l'essentiel, c'est d'appliquer. Ne pas perdre notre temps fi hada. Lianna wa'ad ahl al-bid'a shaghalu an-nas bi hada. Anna tal hikma, tal hikma. Hatta al-ba'd, on a dit tellement qu'ils se sont accrochés à hada. Ahyana, il n'y a pas de hikma. Il délaisse. Mujarrad an-nas, c'est plus suffisant. Wa adhkur marra anna wahidan qui faisait salat dans notre masjid, il faisait pas aqsad jalsat al-istiraha fi as-salat. Ta'lamuna anna as-sunnah, c'est après le soujoud, avant de se relever directement, de faire une pause, ثم de se relever. فالقول الصحيح أن السنة c'est de faire cette pause. Que المصلي soit jeune, vieux, المهم dans tous les cas, même si tu es en pleine forme et tu n'as aucun mal de te relever, cette jalsa c'est une sunna على الصحيح. Pourquoi? Parce que c'est une ibadah, ça fait partie de la salat. فمرة واحد من العوام qui faisait الصلاه et il avait déjà été conseillé sur Hada, il assistait à des cours, il avait déjà entendu, et il ne faisait pas cette jalsa. Il faisait salat comme kathir min al-nas. C'est une sunna, celui qui ne la fait pas. C'est mieux de la faire. Tant que l'insan ne dément pas et ne critique pas. Al-Muhim, un certain temps, il faisait salat sans faire cette pause, jalsa ou l'istraha. Marra, c'est lui qui nous a raconté Hada. Il a écouté Marra Wahed. Wahed, il a écouté. Un dars ou madri min ayn muhim, il a écouté une personne et cette personne elle a expliqué jalsatul istiraha min nahiyat at-tib, pas min nahiyat ash-shar'. Ay c'est une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait sallu kama ra'aytumuni usalli wa intahayna. La, huwa il l'a fait limada li'anna kanahu, c'est un docteur, il expliquait anna la hikma c'est quand tu fais le sujoud, le sang il descend à la tête et le fait de te relever brusquement sans faire une pause, arubama, ça provoque des vertiges là. Hada c'est mujarrab. عند بعض الناس quand tu te relèves trop rapidement, il y a un tas de vertiges. Enfin, ce docteur il a conclu ان لعل c'est la cause الى اخره. Allahu a'lam. المهم, نحن dans tous les cas, même si ça nous fait pas des vertiges, on l'a fait. هذا العامي tellement تاثر بالحكمة, il a compris. Il a compris qu'il y avait un lien avec la santé, il faisait جلسة الاستراحة. Pourtant, ils connaissaient le nas avant. Ça nous montre quoi? Pourquoi je vous ai cité Hada? Ne pas s'accrocher à ces hikam. Si un nas, le hikma, elle est wadiha, alhamdulillah, là, chaque on y croit. Et si la hikma, elle est sahiha, et on l'a vu de nos yeux, il a khalifa, là, chaque. Lakin, on ne s'accroche pas. L'ibada, elle en a dans une autre ibada. C'est pour ça qu'on a cité cet exemple. Tu n'auras pas la hikma, faroupama, tu vas délaisser. Kama yaf'alou al-ba'ad. Al-muslim, yata'abad lillahi azza wa jal avec le Qur'an ou le sunnah. Maintenant, pourquoi on doit faire 4 raka'a pour dhuhr? Pourquoi c'est pas 5? Pourquoi c'est pas 6? Allahu a'lam, on fait 4. Pourquoi le fajr c'est 2 et c'est long? Pourquoi le isha c'est 4? Al-muhim, on perd pas notre temps fi hada. Quand le hikma est cité par un savant et elle est claire, alhamdoulilah, tastafid, ça fait partie de notre din. Lakin rechercher wa takalluf. At-takalluf c'est chercher vraiment des bienfaits, des hikam qui sont ba'ida et qui sont pas clairs. Hada, ça fait pas partie de manhaj as-salaf. Qala Shaykh al-Uthaymeen, idhan fal ahkam ash-shar'iyyah allati shara'aha Allah li'ibadihi yajib 'alayna ar-ridha biha sawa'un 'alimna hikmataha am lam na'lam, li'annana idha lam na'lam hikmataha falaysa ma'na annahu la hikmata fiha fil waqi'. هذا كلام جميل. Qu'on sache qu'il y a une hikma amla, on doit avoir la conviction qu'il y a une hikma, mais on peut l'ignorer. Les madali, on a des êtres humains avec l'ignorance, des faiblesses, il a akhir. قال فليس معناه انه لا حكمه فيها في الواقع وانما معناه قصور عقولنا وأفهامنا عن إدراك الحكمة. Avec le tambih qu'on a fait, أن si on ne connaît pas la hikmah, pas besoin de takalluf. L'essentiel, c'est est-ce que cette chose c'est une ibada ou pas. Si c'est une ibada, on l'a fait. Si on connaît la hikmah, alhamdulillah, c'est du ilm, ça va augmenter l'iman et ça va te faciliter. Si on ne connaît pas, on n'a pas besoin de consacrer notre temps à hada. Là, il y a des choses plus importantes. Qira'at al-Qur'an, comprendre le Qur'an, mettre en application le Qur'an, apprendre le tawhid, apprendre la voix du prophète aïssad salam, ou hakada. Si c'est un interdit, tant que le nos, on s'écarte. Même si on ne sait pas pourquoi. Allah, il a interdit certaines choses, on ne sait pas pourquoi, on s'écarte. Tant que c'est sahih. Et si Allah, il a interdit, s'il y a une hikmah. Si tu peux la savoir, alhamdulillah, si tu ne la sais pas, écarte-toi. Et à la kulli hal, tu es à la khayr. Si tu fais les obligations et tu t'écartes des interdits, tu seras à la khayr. Et c'est ça l'essentiel. Qala amma al-hikma fi nikah fa kathiratun minha. Après cette introduction jamila, tayyiba sur al-hikam, sur al-hikma, Cheikh Al-Uthaymi, rahimahullah, il va citer l'un des bienfaits du mariage. قال أولا حفظ كل من الزوجين وصيانته قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. النكاح الزواج ça va préserver l'homme et la femme de tomber في المعصية. لماذا؟ لأن الله خلق لأن الله عز وجل خلق الرجل والمرأة avec une شهوة. Si l'insan il se marie pas, rufdama yaqa fi ma harram Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'a pas le qudra, Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim. Celui qui n'a pas la capacité, il y en a le ba'd, ils n'ont pas la capacité. Alors qu'ils ont la shahwa. Ta'ammalu, la shahwa c'est l'envie. Et ils n'ont pas les capacités, la capacité de se marier. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, il ne peut pas pour l'instant. Allah subhanahu wa ta'ala, vu que c'est le hakim, fa shara'a lahu as-siyam. Il jeûne. Hatta inshaAllah, il ne tombe pas dans le haram. Donc, cette hikma elle est wadiha pour tout le monde. Hifdhu kulli min az-zawjayn wa siyanatuhu, pour préserver l'homme et la femme de tomber dans le haram. Deuxième hikma, qala hifdhu al-mujtama' min ash-sharr wa tahallul al-akhlaq, falawla an-nikah lan tashrat ar-radha'il bayna ar-rijal wa an-nisa'. Non, ça suit la première hikma. Anna ta'ammal anta si ce mariage, il n'aurait pas été légiféré. C'est comme une chourour dans les pays, dans les villes. Zina, ayadam billah, takthur. Et kadalik, des enfants de zina. Tel enfant, il ne sait plus c'est qui son père. Wal umur tahtalit. À chaque, ça aurait poussé un shara'adhi. Troisièmement, istimta' kullin min az-zawjayn bil akhar bima yajibu lahu min huquq wa 'ishra. Kadalik, hadha az-zawaj بإذن الله عز وجل ça va être la cause pour l'homme et la femme d'avoir des حقوق, des droits. Enfin, l'homme il a des droits, la femme elle a des droits. قال في الرجل يكفل المرأة ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب ومسكن ولباس بالمعروف كما قال عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. وهذا باب النفقة. Inch'Allah, dans le prochain dars, ou dans le prochain chapitre plutôt, Cheikh Al-Uthaymeen, dans Al-Athar Al-Mutarattiba Al-Nikah, il a cité Bab Al-Nafaqa, Inch'Allah, on détaillera. هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Al-Hadith, il est صحيح مسلم. وما في الحاشية قال رواه أحمد وابو داود, il a pas cité مسلم. فكأنه وهم من ceux qui ont fait les annotations en bas de page, ils ont oublié. Mais le hadith a kharajahu al-imam muslim fi kitab al-hajj. Qala, donc, hada al-nafaqa. Nafaqa, c'est quoi? C'est la dépense. L'homme, il doit dépenser pour sa femme. Que ce soit la nourriture, les vêtements, et bien sûr, un logement. Hada, c'est wajib ala rajul pour sa femme. Et c'est lui qui doit s'occuper de la rijal qawwamun ala nisa. Et hada, inshallah, on détaillera dans le chapitre suivant. Qala wal mar'atu تكفل الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. La femme كذلك, elle est responsable, l'homme il est responsable de la femme, niveau nourriture, logement, vêtements, il a akhiré, Et la femme, elle est responsable et elle doit s'occuper de son mari. Tout ce qui est lié à la maison. La nourriture, lui laver ses vêtements, il est akhir. Donc, ça montre, et c'est une hikmah azim, l'homme il va profiter de ce mariage et la femme, elle va profiter de ce mariage. Hikmatun azim, c'est fait salih al-mar'a ou al-rajul. Elle m'a pris l'exemple de, iyadam billah, ceux qui font zina, qui ne se marient pas. Rubama, il ne prend pas soin de cette femme, iyadam billah, yatamatta' biha et yarjum biha. Limada li anna, c'est pas sa femme. Et kadalik, cette femme, rubama, ils vivent ensemble et elle ne fait rien pour aider ce mari. Oh, c'est pas son mari, pour aider cet homme. Limada li anna, pour elle, c'est pas son mari. Faqat yatamatta'un kalbaha'im. Amma, le mariage là, c'est un contrat de mariage entre un homme et une femme, et l'homme il a des hukouk, et la femme elle a des hukouk. L'homme il a des obligations, la femme elle a des obligations. L'homme il a des droits, la femme elle a des droits. Hikmatun azima, c'est fi maslahati man. C'est fi maslahati rajul wal mar'a. Il se préserve contre le haram, et kadalik il s'écarte du char, toutes les maladies, iyadam billah, qui ont été causées à cause du délaissement du mariage, comme le sida et autres, iyadam billah. Et kadalik, c'est fait maslahat al-rajul. Al-rajul, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Il y en a un rajul, il travaille, ou il est occupé par l'ilm, ou il est occupé par certaines choses, il sort, il rentre, il a akhir, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui, maintenant, ses vêtements, sa nourriture, il a akhir. La femme, kadalik, elle a besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle. Elle ne peut pas travailler dans tout, elle ne peut pas se mélanger aux hommes, elle doit s'occuper de la maison. Enfin, quelqu'un doit s'occuper d'elle et lui acheter ce qu'elle a besoin et la akhir. Enfin, ça nous montre un navi al-zawaj, il y a des hikam azim. Quatrièmement, ihkam as-sila bayna al-usra wal-qabail, fa kam min usratayn mutaba'idatayn la ta'rif ihdahuma al-ukhra wa bil-zawaj yahsul at-taqarub baynahuma wal-ittisal wa li hadha ja'ala Allah as-sihra qasiman lin-nasab kama taqaddam. Hadha ça nous montre un min al-hikam kadhalik, c'est que comme min al-nas, ils se sont rencontrés, ils se connaissaient pas, ils se sont mariés, thumma les deux familles elles se sont connues. Mathalan anta, en te mariant tu as eu un beau frère, tu as eu une belle mère, tu as eu un beau père, wa hakada, et rubbama tuhsin ilayhim wa yuhsinuna ilayk, tu prends soin d'eux, ils prennent soin de toi, ila akhiri. Voilà, chaque ça fait un khair beaucoup plus grand. An-nas yata'arafun, une ma'rifa qui est fondée sur din Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, baqa'u an-naw' al-insani 'ala wajhin salim, fa inna an-nikah sababun lin-nasl alladhi bihi baqa'u al-insan. Qala Allah ta'ala: ya ayyuha an-nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Ay anna az-zawāj, c'est la cause de préserver la descendance et les êtres humains. Yatazawajun, thumma, ils ont des enfants, walhamdulillah, chaque génération elle est préservée bihadha zawaj. Amma fil haram fala, fil haram awlad az-zina, et les enfants d'adultère, iyadam billah, awalan kathir minhum, ils ont pas les bases comme des enfants d'un mariage. Kathir minhum, ils connaissent pas leur père ou leur mère. Kadhalik, ça propage des maladies. Combien d'enfants qui sont issus, entre guillemets, hors mariage, et, iyadam billah, ils ont été atteints par les maladies de leurs parents. Wa kam min shurur. Wa kam min fasad. Kam min fasad, et ça fait après des gros problèmes dans l'héritage, il sait pas qui c'est son père. Wa hagada, yani fawda. Fawda kama huwa hasil inda a'da illa inda al-kafara. أما فالإسلام دين العدل دين الكرم. L'homme il est préservé, la femme elle est préservée, le mujtama il est préservé. فلهذا حتى cet homme s'il a besoin et une elle lui suffit pas, تقدم معنا أن c'est autorisé qu'il se marie avec une deuxième. وهكذا أما la femme ولله الحمد فسأل مريم avec un homme et il s'occupe d'elle et الحمد لله elle vit في في حشمة وحياة في بيتها. Ça c'est une ni'ma kathirun min al-nas. À notre époque ils sont privés à cause de leurs zunoub, et annahum eux ils veulent pas. Wal ba'd kadhalik, ils s'écartent de ce mariage, et fil haqiqa des masakin juhal, en prétextant que ce mariage ça va Robama, ça va impliquer des choses mauvaises. Enfin, c'est pour ça qu'il ne se marie pas. Et Robama, il yaish avec une femme. Ou hada, c'est haram. Vivre avec une femme sans contrat de mariage, c'est menacina. Et il y a des barres, ils vivent ensemble, quand même, ils sont mariés. Et ils ne sont pas mariés. Les nades, les anna, pour s'écarter de certaines contraintes. Et fait le haqiqa, kul wahad, il a peur de l'autre. Les anna, ils savent que s'ils sont mariés, kul wahad, il a des droits, des devoirs. Et khas, satan, à notre époque, le mal. Anna, si tu te maries et tu divorces, ça va impliquer que tu dois payer une pension. Au fait, barres le bouledin, les biens sont partagés en deux. Fait le khafoun, min hada. Ça montre, anna, aslan, ils ne sont pas tranquilles. Aslan, c'est basé sur le dunya. Amma le muslim, là, il se marie avec une femme. Et, walillah alhamd, il tawakkal ala Allah. Il sait qu'il y a des hikam. Azim. Quand il y a un qa'il, lakin ahyanan, un muslim, il se marie avec un muslim. Et toutes ces ni'am, là, chaque certaine, il va les ressentir. Lakin, certaines ni'am, il ne les ressent pas. Matalan, il a beaucoup de problèmes et sa femme, elle ne lui obéit pas. Elle ne lui fait pas manger. Il a akhri muhim. Certaines ni'am, à cause de l'homme ou à cause de la femme, la tatahakak hadhi ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Allah shara'a al-nikah al-zawaj wa kadhalik shara'a al-talaq. Celui qui se marie, ça ne veut pas dire que khalas. Si ce mariage, pour lui, ce n'est pas une source de ni'ma, et hadhi al-hikam, il ne les ressent pas. Mathalan, on dit si c'est la femme qui est en tort, ou pour la femme, si c'est l'homme qui est en tort, il y a une solution. Al-talaq. S'il ne peut pas, c'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah, le dernier bab, il a cité al-talaq. Pour démontrer un rubama, ce mariage se passe mal, il y a ta'iman une solution. On peut citer un cas, vu qu'en islam, comme Asayati Ma'ana, al-talaq, il est bi yadi rajul, c'est l'homme qui divorce, c'est pas la femme. On peut citer un cas, c'est l'homme qui est en tort. Et la femme meskina, elle n'est pas en tort. Et elle ne peut pas divorcer, vu que le divorce, c'est le mari. Il y a un autre bab, il s'appelle Al-Khul'a. C'est une séparation, et la femme, elle a le droit de le faire. Dans certains cas. Maintenant, cet homme, il la frappe sans raison, il ne lui donne pas à manger, il y a un darar azim, et il ne veut pas écouter le nasiha. La chaque fille Adelhal, elle a le droit de demander la séparation. Et Inch'Allah, on parlera de ces abwab dans le dernier bab, bab At-Talaq. Cheikh Ibn Uthaymeen, après avoir cité un nasl c'est préserver la descendance et avoir des enfants, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité après hada une mas'ala muhimma, wa hiya le fait de ne pas avoir d'enfants, ay volontairement, ay ma yusamma bi tanzim an-nasl, ou plutôt tahdid an-nasl, ay se marier et décider de ne pas avoir d'enfants, mathalan en prenant la pilule. Et walillah alhamd, cette mas'ala on l'a déjà traitée dans une muhadara avec Ba'd al-Ikhwan et on l'a propagée. Et Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité un kalam jamil huna pour démontrer que cette ni'ma, on doit en prendre soin. Et il va citer dans des cas, il y a un cas où ça peut être utile, où il y a un besoin plutôt. Amma, dans beaucoup de cas, khasatan à notre époque, ayyadam billah, c'est par peur du risque. Ou par peur de ne pas pouvoir arriver à l'akhiri, hada, inshallah, sayati ma'ana dans le prochain dors. Naktafi bihada, subhanak lam hamdik, shadwallah ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.